Chapitre 177. Ce que dit le voyageur lorsqu'il rentre chez lui et revoit sa ville. 987. Anas radiallahu anhu rapporte. Nous revînmes de voyage en compagnie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et en vue de Médine, il dit « Nous voici de retour, repentants, adorant et louant notre Seigneur. » Aïboun, taïboun, abidoun, li rabbina hamidoun. Il continua alayhi salatu wassalam à répéter ces mots jusqu'à notre entrée à Médine. Muslim.